mieux faire, me demande pas ce que je préfère. Je suis encore faible et j'ai peur de m'ouvrir les portes de l'enfer. Je suis qu'un pauvre loupard pour ma propre mère, j'en suis pas très fier. Je vois les frères défiler à la barre comme si j'étais la crêpière. Ça fait clic, ça fait proc, c'est ce que te dit la prod. Je fais mes 8 piges et je te proc, c'est ce que dira le proc. Le seul langage universel est celui du but ou du glock. Donc tant pis si les mains sont sales, tant que les Nikers sont propres. Les traîtres n'auront pas ma tête, ni ces trois visages pâles, j'ai de la trentaine. Postiché dans cette mode au prêt, les vrais me reconnaissent et me respectent. Parce que ma musique leur va droit au cœur, comme une baston placée en plein milieu du bec. Pareil que tes recettes sont fructueuses, n'attends pas d'être mis en terre pour voir que le vrai visage de la rue n'est que celui d'une tueuse. La vie ne tient qu'à un coup de feu, au mieux à un coup de queue. Suffit que la juge soit mal baisée pour te manger une peine de fou furieux. Les petits d'ici sont nerveux, ils butent comme Michael Lee. Ils me tiennent que si peu de leur vieux, que c'est à se demander s'ils sont vraiment sortis des deux boules d'un homme et du fond des entrailles d'une femme. Et pas plus d'un four, d'un folklore ou d'une fabrique d'art. On n'incite pas nos frères à être candidats au crime, on n'incite pas non plus à se comporter en victime. On va tous gagner un jour, debout sur nos pattes ou à genoux comme des flottes. Qui prend la dive, c'est ce que les types ont dans le froc. On tire puis non-stop. On n'incite pas nos frères à être candidats au crime, on n'incite pas non plus à se comporter en victime. On va tous gagner un jour, debout sur nos pattes ou à genoux comme des flottes. Qui prend la dive, c'est ce que les types ont dans le froc. Je suis mon propre boss, personne au-dessus de moi si ce n'est mon créateur. Mon dog fuck, il sera trop tard lorsque vous connaîtrez la peur. Mon hip hop relie les points lieux comme le périple, le marché de l'arme ou de la drogue. Fait le tour des cellules du placard comme la coursive ou un vol. On ne s'autorise à chialer en public qu'aux enterrements de nos proches. On sera potes quand tu contribueras au remplissement de nos poches. Pour être ma belle, faudra être fort. Cache à ton mec qui la décorne. Donne-moi le code de son coffre et je te dirai je t'aime pour Rockon. T'étonne pas que tes frères t'arrachent le bras quand tu leur tends la main. Y'a pas plus divisé que tes renois qui ont faim. J'ai le troisième œil planqué dans le trou pour les chutes. Qui veulent jouer un rôle, ils seront redaptés de speed comme un terrain de crack ou d'héroïne. On reste concentré comme des liasses, l'œil rivé vers ce qui coûte cher. On rôde la nuit comme des chats de gouttière. En direction du sud, de 10 vitesses de croisière. Pas pour un festival de Cannes, mais pour poutre les scènes des soirées branchées de la croisette. On n'incite pas nos frères à être candidats au crime, on n'incite pas non plus à se comporter en victime. On va tous gagner un jour, debout sur nos pattes ou à genoux comme des flottes. Qui prend la dive, c'est ce que les types ont dans le froc. On tire plus non-stop. On n'incite pas nos frères à être candidats au crime, on n'incite pas non plus à se comporter en victime. On va tous gagner un jour, debout sur nos pattes, on lâche tout comme des fleurs. Qui prend la tue, c'est ce que les types vont le prendre. On se nique la santé pour essayer de trouver de l'argent. Plus tard on y crave l'argent pour retrouver la santé. On vit dans l'excès comme si on n'allait jamais crever. Et puis un beau jour on crève comme si on n'avait jamais vécu. Celle-ci, c'est pour toutes les victimes de nos quartiers. Les frères morts, les frères au Star, hein. Pour tous les quartiers de France, tu connais ma vie. 45 000 Orléans, Simon, Arcole, Sourire, Dos, c'est la famille, Nas, Flow, Blaise, Budget, Mané, Le Ross, Donc fallait que je plie le beat sur Autopsie pour être pris au sérieux par tous ces petites bitches de pseudo-directeur artistique, hein? Jamais, dis-leur, Narvé, pas de nature, s'il n'y a pas minimum 5-0 après le chiffre. Et j'fais la BN avec l'aileron là, celle qui ressemble à une baleine, ouais, ouais. J'assume mes ambitions. Qu'importe où elles me mèneront, hein. Si je réussis, est-ce que je mériterais que tu m'acclames? Ou plutôt, m'acclameras-tu pour ce que je suis ou pour ce que j'incarne? Non, ne pleure pas si on canne, je n'aurais été qu'une petite frappe qui voulait le montant en euros de son propre poids en kilo de carne. Tu vois le genre, hein. Donc c'est la famille. C'est pour Autopsie 2009. C'est de la 09.